Chapitre 13e. Quand l'héritière parut le lendemain au déjeuner, elle reçut avec indifférence les bonjours et les compliments de toute sa famille. Mais lorsque Sir Charles, en s'approchant d'elle à son tour, lui dit « Bonjour, Miss Martinthorpe », un sourire de triomphe éclaira son visage, et elle passa fièrement devant son cousin et ses cousines, en laissant tomber sur eux un regard de dédain. Bientôt après le déjeuner, Sir Charles reprit la conversation de la veille. Il s'excusa de nouveau de son insistance en faisant valoir l'obligation dans laquelle il était de retourner au plus vite à Florence auprès de sa mère. « Je suis toute prête à vous entendre, messieurs, » répondit l'héritière. « Mais il me semble que nous sommes bien nombreux pour parler d'affaires qui me sont personnelles. » Mrs. Heathcote fit immédiatement signe à ses enfants de sortir, et elle se disposait elle-même à quitter la chambre avec eux. Mais Sir Charles, indigné de l'impertinence de la parvenue, les arrêta d'un signe et s'écria « Il serait trop fort que madame et ses enfants fussent obligés de sortir de leur salon à cause de nous. N'avez-vous pas, major, quelque endroit retiré où nous puissions aller causer sans déranger madame et mademoiselle Heathcote ?»« Nous pouvons aller dans mon petit cabinet de travail, si Sophie n'y fait pas d'objection. »« Cela m'est tout à fait indifférent, » répondit froidement Miss Sophie en passant devant ses deux tuteurs. Algernon battit des mains, Florence rougit de bonheur, et chacune de ces nobles créatures remercia intérieurement le jeune baronnet qui venait de les défendre contre l'impertinence de celles qui étaient entrées par charité dans leur maison. La chambre dans laquelle le major conduisit Miss Martin et Sir Charles était très petite. Le major plaça une chaise de chaque côté du feu pour les deux jeunes gens et s'assit lui-même entre deux sur la troisième. Ce fut encore Sir Charles qui entama la conversation. « Votre excellent oncle et moi désirerions vivement, Miss Martinthorpe, savoir de vous où vous désirez habiter pendant votre minorité et jusqu'à votre mariage. Avant de répondre à votre question, Sir Charles Temple, il serait nécessaire, je crois, de me dire ce que vous avez à m'offrir. Ceci est très naturel, Miss Martinthorpe, et je vais vous répondre immédiatement. Comme vous ne pouviez résider qu'avec votre oncle, il faudra ou que vous viviez avec lui chez lui, ou qu'il aille vivre avec sa famille chez vous. » « Serait-il donc nécessaire que toute la famille du major habite avec moi dans ma maison, si je me décidais à m'établir tout de suite à Thorcombe ?» demanda l'héritière avec une certaine insolence. « Et quel membre de la famille ?» demanda vivement et avec colère le baronnet. « Désirez-vous, par un caprice inqualifiable, éloigner du domicile paternel ?» En entendant cette réponse faite d'un ton sévère, Sophie baissa un instant les yeux, puis reprenant son impertinente froideur, elle continua en s'adressant à Sir Charles. Il est des discussions de famille pour lesquelles nous n'avons nullement besoin de votre assistance, et qui pourront très bien s'arranger lorsque vous serez parti. Pour le moment, je vous serai obligé de me soumettre l'état de mes dépenses, soit que je reste, soit que je prenne immédiatement possession de ma propriété de Thorcombe. Pauvre Florence, charmante créature, murmura tristement le baronnet, que tu seras malheureuse chez cette odieuse fille. Ah, qu'Algernon l'avait bien jugé. Serez-vous assez bon, major, reprit à haute voix le baronnet, pour demander à Mrs. Heathcote la somme qu'elle jugerait nécessaire et suffisante pour garder Miss Martinthorpe chez elle et comme un membre de sa famille. Puis veuillez aussi décider combien vous remettrez à Miss Martinthorpe pour tenir sa maison convenablement à Thorpecombe. C'est cela, répondit l'héritière. Faites ces deux états, et quand vous me les aurez remis, je ne vous ferai pas attendre ma réponse. » Après avoir laissé tomber ces paroles du haut de sa grandeur, la pupille sortit de la chambre sans même saluer ses tuteurs, qui restèrent abasourdis de son impertinence autant que de la dissimulation qu'elle avait montrée jusqu'à ce jour. « Je crois que la pauvre enfant a perdu la tête, » dit le major du ton d'un profond découragement. « Mon amie, elle n'est pas folle, mais craignons tous de le devenir avec elle. Pardonnez ma franchise, je crois impossible de rencontrer sur la terre une nature plus détestable que notre pupille. Et je crains que votre digne famille ne soit bien malheureuse en vivant chez elle. Notre intérêt doit être sacrifié au sien, Sir Charles. Et comme ma femme et mes filles ont un excellent caractère, je ne craindrai rien d'elle. Mais j'ai peur d'Algernon, qui est trop franc et ne sait pas du tout dissimuler ce qu'il pense. D'ailleurs, il ne peut souffrir sa cousine, qui du reste le lui rend bien. Si le pauvre enfant était plus fort, je l'aurais envoyé à Sandhurst, et là, nous aurions essayé de lui faire suivre la même carrière que moi. Mais hélas, il n'est guère bien portant. D'un autre côté, s'il attend encore, il sera bientôt trop âgé pour faire ses études, car voilà qu'il touche à ses 16 ans. « Est-ce qu'Algernon aime l'état militaire ?» demanda Sir Charles. « Je ne puis dire cela, mais que pourrons-nous faire de lui ?» Le baronnet ne répondit pas. Il se prit à réfléchir en feuilletant machinalement un volume qu'il avait pris sur la cheminée. « Je ne sais vraiment comment faire ces états que notre pupille désire, » reprit le major. « Les revenus sont de 3 000 livres sterling par an, n'est-ce pas ?»« Plutôt plus que moins. Et quant à ce que vous devez donner à Miss Sophie pendant sa minorité, c'est assez difficile à décider. Si c'était une jeune fille simple et comme il faut, 200 guinées serait suffisant. Mais avec une fille comme celle-là, ce ne sera peut-être pas trop de 2 000. Cela me paraît énorme pour une personne élevée comme Sophie l'a été. Cependant, si vous le jugez nécessaire pour qu'elle vive à sa guise, nous lui remettrons 1 500 guinées sur ses revenus, plus les 500 que nous dépensons ici pour notre famille. Car si nous habitons chez elle, nous devons apporter dans le ménage ce que nous dépensons d'habitude dans notre intérieur. Si Miss Martinthorpe ne réclame pas voiture et chevaux, elle aura assez de 2 000 livres sterling, répondit Sir Charles. Maintenant, quant à ce qu'elle devra vous payer pour vivre chez vous, personne ne saura mieux l'estimer que votre excellente femme. Si vous voulez lui en parler, pour l'instant, je vais aller avec Algernon et peut-être Miss Heathcote voir les lions de Cleveland. Cette proposition ayant été acceptée, les 3 jeunes gens se mirent en route avec un plaisir infini. Sir Charles écouta avec attention tout ce que les 2 enfants lui racontèrent sur Sophie. Il put voir que leur cœur se valait, et qu'ils étaient tous deux aussi bons et aussi intelligents l'un que l'autre. Florence avoua qu'elle avait envié la fortune de son oncle pour Algernon, qu'elle jugeait tout à fait digne d'y faire honneur, et en parlant ainsi, sa voix était si émue, et elle était si belle que Sir Charles murmura dans son cœur « Oh, Florence !» Si je ne vous épouse pas, je mourrai sans héritier, car vous seul ne viendrez jamais Lady Temple. » Puis, après ce vœu sacré formé dans son cœur, Sir Charles tomba dans une profonde rêverie, durant laquelle toutes les perfections de celle qu'il s'était choisie pour femme passèrent devant ses yeux. La conclusion de tout cela fut qu'il l'adorait et qu'elle devait être à lui. Ses 2 compagnons de route ignoraient complètement ce qui l'absorbait à ce point, mais ils se sentaient heureux. Et cette promenade, si charmante pour tous 3, se serait prolongée indéfiniment si Algernon n'avait senti l'heure du dîner à la faim qui le dévorait. Ils rentrèrent donc en toute hâte, mais pas encore assez vite, qu'à leur retour, Mrs. Heathcote ne s'écria point « Qu'avez-vous donc pu faire tout ce temps-là ? Par un si vilain froid ?»